19-43, exercice test, passé composé, les auxiliaires. Répondez selon l'exemple. Vous entendez... Marie-Laure est partie. Et vous écrivez... Oui, elle est partie. 1. Vous avez trouvé Robert sympathique. 2. Tu as passé la douane. 3. Vous avez pris un tir. 4. Tu es allé à la closerie. 5. Tu t'es amusé? Copyright 1994, Yale University.